Marthe, depuis quelques jours, semblait distraite, sans tristesse. Elle supportait l'insupportable. Pourquoi supporte-t-elle tout? À mon tour, je l'accusais de ne plus m'aimer, parce qu'elle se taisait. Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte. J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle, mais d'abord, elle me stupéfia. Mais je me mis si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent. Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise, et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notre amour, qu'il ne punissait aucun crime. Alors que Marthe trouvait maintenant, dans sa grossesse, une raison pour que je ne la quittasse jamais, cette grossesse me consterna. À notre âge, il me semblait impossible, injuste, que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse. Pour la première fois, je me rendais à des craintes d'ordre matériel. Nous serions abandonnés de nos familles. Aimant déjà cet enfant, c'est par amour que je le repoussais. Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusse été moi-même incapable de la vivre. Maintenant, posant ma bouche sur le ventre de Marthe, ce n'était plus elle que j'embrassais, c'était mon enfant, à qui nous devions rendre compte de nos actes. Mais, à certaines secondes, je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour, mais que son fils n'était pas le mien.